Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou 89A. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis, on a un autre groupe indie de la part de Maxime Tanguay. On parle justice avec Michel Aubrun. Et David Ferron, de retour en direct en studio avec une affaire d'Halloween. On s'en est tous parlé. Bon matin. Comme on dit aux États-Unis. Matin. Morning. Boy. Mardi 30 octobre 2012, 7h04. Moi, c'est Mathieu Plante. Moi, c'est François Olivier. Bienvenue à vous. Un temps direct du studio de C'est Fou à Trois-Rivières. Alors, ce pavillon qui, n'était pas débarré à matin. Non. On s'est rendu. Mais semi-débarré, là, en fait, j'aurais peut-être dû checker par le couloir de logis ce matin en premier. L'habitude est là. Que voulez-vous? Donc oui, c'est ça, un temps direct des studios, c'est fou, et on va avoir un matin assez plaisant pour vous. On vient d'annoncer il y a peut-être 30 secondes que Maxime Tanguay serait là en début d'émission. Par contre, il n'est pas là aujourd'hui. Ouais. Mais pour une fois que c'était pas un oubli de ma part, c'est moi qui avais oublié de te dire. Quelqu'un me le dit, puis là je l'oublie, puis je le dis en ondes. Non, là c'était pas ça, il est juste pas là, juste avant. Il est pas là! Donc Maxime Tanguay à 7h30 la semaine prochaine, mardi à 8h par contre. Qui avons-nous? On va recevoir Michel Aubrun comme à chaque mardi, on va parler de justice. Hein? Tout ce qui est judiciaire, okay. Avec beaucoup de justesse. Uh-huh. Et jeux vidéo? Non, peut-être pas. Peut-être pas. Jenga, on a déjà dit celle-là. C'est beau. Des affaires avec des blocs de bois. Hein? C'est de ça? Ah ouais. Ça parle de ça? Ouais. Ensuite, à 8h30, David Ferron va nous rendre visite pour d'autres chroniques La langue dans ton oreille. Et cette fois-ci, ben, c'est de la... En tout cas, il m'a dit que sa thématique était un petit peu halloweenesque, parce que c'est demain. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Le temps sera... Qui va nous faire peur, peut-être? Je sais pas. Peut-être. Espérons-le. Mais à chaque fois, moi, il me fait tout le temps faire le saut. Parce que c'est comme un ninja, ce gars-là. Donc, l'Halloween et la chanson francophone, c'est son sujet pour aujourd'hui. Alors, on va commencer en musique, par contre. Qu'en penses-tu? Formidable. Puis Mathieu, juste mentionné, en fait, pour les auditeurs là, qui sont matinales, restez avec nous autres, on va avoir un six-pack. Hey, Mohamed, prends ça, Mohamed. C'est un à faire tirer ce matin, des CD, des bons CD, et un vinyle. C'est du luxe, hein? C'est du luxe. C'est du luxe pour vous à la maison, où vous soyez, donc on va vous donner le numéro de téléphone plus tard dans l'émission pour vous procurer votre six-pack. Vers quelle heure qu'on fait ça? On pourrait faire ça en première heure, hein? Ouais. Pour les jeux matinaux. C'est ça, pour en avoir d'autres tout le long de la semaine, je sais pas trop quoi. Génial. Pour l'instant, on débute avec Diamond Rings et son nouvel extrait du palmarès anglophone, voici I'm Just Me. Sur C'est Fou, dans vos oreilles. Bonne émission, ça. J'espère que vous saurez trouver la porte, la clé vers la porte de votre cœur. C'est peut-être une émission chanceuse pour vous. Oh, la combinaison gagnante. Oh. Il va falloir un mot de passe pour ça. When I had a young heart, I got a late start. I was too afraid to love. Afraid of my body or anybody. Thinking of what I thought of. Now I'm growing older, I'm getting bolder, confident in my own skin. I just wanna come through, I wanna come through, I just wanna let you in. Hold me underwater, teach me how to breathe. I'm no son or daughter, I'm nothing, just me. We'll be right back. and how to give more, because of you I believe. You and I can form at the perfect moment, three-dimensionality. faire du feu dans le fond de la nuit. Et puis soudain, comme un besoin de ne plus rien remettre à demain. Bamboula, nous serons là. Bamboula, bamboula, bamboula, nous serons là. Bamboula, bamboula, bamboula, nous serons là. Bamboula, bamboula, bamboula, nous serons là. Bamboula, bamboula, bamboula, bamboula. Les trois accords et Bamboula sur leur nouvel album. J'aime ta grand-mère. Ouais, bonne, bonne pièce. Oui. Vraiment. Je suis ravi. T'as conquis mon cœur, Mathieu. Ah ben, Colin. Seulement avec cette pièce. Veux-tu que je change tout ça? Non. Non? Non. Ben, too bad for you. Bon, too merci. Bad. Parce que, tu sais, tôt le matin, à 7h14, minutes, là. Ouais. Tôt le matin, là. Me donne envie de chialer pas mal. Ah oh, non. Ça se donne envie, là. Ah oh, non. Il y a tout le temps de quoi. Il y a tout le temps de quoi. La vie est faite comme t'as pas joué. Sans qu'il fait trop frais, sans qu'il fait trop chaud, sans qu'il fait trop tard, sans qu'il fait trop tôt. Il y a tout le temps quoi. La vie est faite de moi, t'es pas joie. Sans qu'il fait trop frais, sans qu'il fait trop chaud, sans qu'il fait trop tard, sans qu'il fait trop tôt. En effet, je peux rien dire contre ça, c'est vrai ça. Ce que le gars a chanté. Ouais, il chante bien. Hein? It's true, il chante très très bien. C'est pas moi qui fais ça là. Donc, non, c'est ça ce qui me fait chialer. C'est comme toujours des choses de la vie de tous les jours. Des choses que tu peux pas contrôler, que t'aimerais ça pouvoir contrôler. Par exemple, les nouvelles constructions dans la vie. Tu sais, dans la vie, là, et là, je sais pas si ça va être le cas avec le nouveau pavillon. Je me rappelle pas trop d'avoir vu le devant de la bâtisse. Je sais qu'on a vu le plan une couple de fois, là, mais j'ai pas trop porté attention. Mais de ces temps-ci, tout ce qui est construit avec du bois dessus. Ouais. Tout le temps, partout. Ils ont refait la caisse des jardins sur Jean 23. Ouais. Mis du bois dessus. Vrai. Ils ont fait la bâtisse à côté du Pétro-Canada, la station-service, le lave-auto et tout ça. Tu sais, avec le chose de sport. Là. Où c'est? À l'entrée de l'autoroute, là, t'as le dépanneur Tim Hortons, tu sais. Trois-Rivières-Ouest. OK, ouais. Ils ont refait le côté avec tout plein de bois. Là. Oh, pour vrai? Oui, ils ont fait ça. Ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont fait en bois récemment sur Ginesh Kruger, le truc où il y avait le marché aux puces. Là. C'est la CSST, je pense, le truc de santé et services sociaux, là. Et là, tout en bois okay. aussi. C'est très, très daté comme look. Tu trouves pas? C'est très, tu sais, ça fait 2011-2012. Ouais. Dans deux ans, on va revoir, hey, ça, c'est une bâtisse construite en 2011-2012. Non? C'est trop d'époque. C'est trop, on essaie d'être à la mode, tout le monde veut être pareil, je comprends pas. C'est vrai. Ça m'énerve. C'est vrai, Mathieu. Mais rien à dire contre ça. Ben oui. Ouais. Oui, tout à fait. Quoi donc? Il y a des avantages de construire en bois. OK. Est-ce que c'est du vrai bois, premièrement? Ça doit. T'es sûr que c'est pas du plastique pour pas que ça. Ben non, ça non, c'est du vrai bois. Ben, peut-être. J'imagine. J'ose espérer. Peut-être. Ben, si c'est du faux bois, écoute, je suis d'accord avec toi. Bon, vas-y. Mais là, on peut pas dire que c'est en bois. OK. D'abord. Mais sinon, écoute, le bois, écoute, c'est résistant. Oui. Tu sais, non, mais. Aux intempéries, là. Ça le dit, là. Ouais, c'est ça, exactement. C'est protéger l'environnement aussi parce que c'est une ressource renouvelable. Ouais, en même temps, c'est détruire des arbres aussi. Oui, d'un bord et de l'autre. Mais ça repousse, tu sais. Si tu construis en plastique, le pétrole, ça revient pas. Oui. C'est économique aussi. OK, pas cher, ouais. Ça revient moins cher. C'est rapide. Ouais, ça se fait vite. Là. Ouais. Puis, c'est beau. Ben, ouais. C'est ça. C'est beau. T'as bien raison. Tu gagnes. Bravo. OK, prochain sujet. Prochain sujet sur des sites web. Comme, mettons, nous, on utilise Groove Shark pour faire jouer de la musique. Yes, sir. Si je tape Of Monster au singulier and Men. Ah oui, ça, c'est plein. Il ne trouvera pas. Ça, c'est plein. Tu sais, c'est parce que dans la vie, si mettons je mets un S, mais qu'il n'en faut pas, je peux comprendre. T'sais, tu cherches vraiment un S, OK. Mais si j'en mets pas, trouve-moi un mot qui a le S. Mais j'ose croire que ça va s'améliorer. Ouais. Et sous peu et rapidement. Parce que, écoute, si tu vas sur YouTube, si tu vas sur Google. Ça se fait très bien. C'est ça. Écoute. Tu te demandes, es-tu sûr que tu voulais pas dire d'autres choses, puis là, tu cliques dessus, puis ça marche. C'est ça, exactement. Écoute. Ça fait démodé. Ça fait daté aussi. Il y a aussi daté qu'un bâtiment construit en bois. Mais là, les bâtiments qui sont construits en bois, ils datent pas encore. On avait déjà réglé le problème, celle-là. Là. C'est... Ouais. Mais non, moi, ça m'énerve. Juste, tu sais, mettons, il y a des groupes, des fois, tu me demandes de chercher un groupe. J'écris pas le de, je vais écrire le mot, il trouve pas. Il trouve pas, mais là. Mais il est là, là. Tu cherches avec le de, puis là, il trouve. Ou bien sinon, tu vas taper quelque chose, il va te suggérer, bon, est-ce que c'est cet artiste-là? Tu cliques dessus, oui. Mais il n'est pas écrit pareil comme l'autre. Fait que tu sais, juste, il y a tout le temps quelque chose. Il y a tout le temps quelque chose qui marche pas. J'haïs ça. Troisième sujet. Les boutons de logiciel que je trouve pas assez évidents. Mais quoi? Si, mettons dans un logiciel comme, mettons, Winamp, tu sais. Ouais. Ça, j'ai déjà. Celui-là, je sais que j'ai déjà dit, là, mais le petit bouton repeat dans le coin, là. Là, je viens de le cliquer, là. De loin, ça paraît pas pantoute qu'il est cliqué. C'est juste un genre de petit filet lumineux d'un pixel de large. Il y a des logiciels, par exemple, mettons sur ton iPhone, où quand tu vas cliquer sur le bouton Repeat, il va être en gros orange. Ouais, ça, j'aime ça. J'aime vraiment ça. Alors que l'autre barre, mettons sur un site web, des fois, tu as une pub qui va se mettre à jouer, OK? Et tu as une pub vidéo qui joue. OK? Okay? Et dessus, il apparaît un petit haut-parleur, tu sais. Haut-parleur. Et tu peux couper le son. Pour couper le son, tu peux cliquer dessus et il va apparaître une barre. Mais ce qu'ils n'ont pas réfléchi, c'est que le bouton, par défaut, il y a une barre dessus, mais il n'y a pas de son qui joue. Donc, c'est comme l'inverse de la logique, tu comprends-tu? Il faut que tu cliques sur le bouton qui a une barre, donc qui est barré, pour le barrer. Puis quand il est barré, il n'est pas barré, le bouton. Tu comprends-tu? C'est comme à l'envers de la logique, là, tu sais. Il me semble que tu t'attendrais à ce que, mettons, dans Windows Media Player, si tu es sur mute, il y a une barre. Si tu l'écoutes, il n'y a pas de barre. Eux autres, c'est le contraire. Il y a une barre si tu veux aller cliquer sur mute. C'est à l'envers de la logique, je comprends pas. Ça m'énerve. Ça l'énerve. Bon, okay, c'est ça. J'ai assez chialé pour aujourd'hui, je pense. Ah, puis t'as-tu. Parlant de chiolage, là, comme ouais. Ça, parce que je sais que tu vas chioler après, mais t'as-tu assez Windows 8? 8? 8? Windows Lidl Inuit? Non, mais 8, parce qu'il est sorti vite. Puis, oui, c'est ça. Non, j'ai beaucoup regardé de vidéos, par contre. J'ai beaucoup regardé de vidéos. Okay. Qu'est-ce qui ressort, là, C'est une interface qui est le fun à utiliser. OK. C'est convivial. Convivial, surtout pour les tablettes. Parce que quand t'es sur l'ordinateur, c'est, dans le fond, Windows 8 est basé sur glisser ton doigt pour faire tasser une page. Okay. Tu tasses tes icônes avec ton doigt, tu cliques sur le gros bouton. Sur un écran normal, tu peux pas faire ça? Ben non, avec ta souris, c'est pas pareil. À la place, comme t'as ta souris, tu peux pas pogner la page puis la tasser, en tout cas, à ce que je sache. Il y a une barre de défilement qui apparaît en bas et ça, on la voit. Faut-y aller avec ça? Ouais, t'as pas le choix? Ben, je sais pas si t'as le choix, mais je me dis s'il l'avait mis là... Sûrement, tu sais, si tu sélectionnes, tu peux peut-être. Tasses, ben j'espère. Sinon, c'est vraiment stupide. C'est cave, c'est ça. Mais non, ce qui me dérange là-dedans, c'est pas Windows 8 en tant que tel, parce qu'en tant que tel, ça a l'air de logiciel bien construit. Ouais. Ce qui me dérange, c'est Windows RT, qui est la version pour les tablettes avec un processeur plus faible, ce qu'ils appellent pour les ARM processors. Donc, la tablette, comme la nouvelle Surface de Microsoft qui est sortie, c'est Windows RT qui a dessus, non Windows 8. Étrangement, parce que ça ressemble à Windows 8 quand tu le regardes. OK. Mais c'est pas ça. Qu'est-ce qu'il y a de différent? Ben, c'est que, par exemple, il y a un bouton desktop, tu peux aller sur ton bureau, un peu comme dans. Pour retourner un peu à l'effet Windows 7, là, un peu. Donc, ça te ramène à une fenêtre Windows 7. Mais tu peux pas installer n'importe quelle application dedans. En fait, tu peux pas installer. Aucune? Tellement d'applications. Non, je pense même aucune. Ce que j'ai compris, encore une fois, je le répète, je l'ai pas utilisé en tant que tel. Mais ce que je lisais, c'est que il fallait que tu passes absolument par le Microsoft App Store ou le App truc là, pour télécharger les applications. Ça passe tout le temps par là, un peu comme Apple. Maintenant, de plus en plus, tu passes par l'App Store. Ils font la même chose du côté de Microsoft. Ouais. Mais Windows RT, c'est pas Windows 8. Donc, quand tu arrives sur l'interface bureau, ce que j'allais dire, c'est que tu peux seulement utiliser les applications Office. Donc, il y a les applications Office dedans, mais c'est pas mal tout ce que tu peux faire. Ça. Donc, c'est pas Windows en tant que tel. C'est plate un petit peu. Oui. Je vais l'utiliser, je vais l'installer sur mon. J'ai un logiciel qui s'appelle Parallel sur le Mac. Puis je peux installer n'importe quoi. Ouais. Exactement. Il faut avoir une copie, évidemment. C'est pas. Ça apparaît pas par Marie, ça là. Oh, ouais, pas de la Marie. Mais non, c'est tellement pas cher. On avait déjà parlé des prix la semaine passée ici à l'émission. Et c'est pas cher. Pour jusqu'à la fin du mois de janvier, là, les prix sont vraiment très, très, très ridicules. Donc, ils veulent que vous passiez au prochain. Je vais l'essayer, je vais vous en parler plus en détail. J'espère que ça va être le fun. Mais moi, c'est justement pris dans mes façons de Windows 7. Là. Et je pense que c'est la chose pour la plupart des gens qui étaient pris dans Windows XP avant, qui ont fini par décoller, passer directement de XP à 7 en sautant par-dessus Vista. Et puis là, encore une fois, on passe à Windows 8, qui est un autre système complètement différent. Je sais pas. C'était nécessaire. Mais ils cherchent beaucoup, là. Oui, ils cherchent beaucoup. Ils cherchent beaucoup. C'était peut-être nécessaire pour les téléphones et les tablettes, là. Mais pas pour les ordinateurs. Ouais, j'imagine. Eh bien. Que voulez-vous? On va sûrement l'essayer bientôt. Écoute, tout va sortir avec ça maintenant. Là. Ben exact, t'auras plus vraiment le choix si t'achètes un ordinateur. Ça va venir avec. Fait que... Arrange-toi avec ça, comme dirait Bernard Adamus, mettons. Là, si on était vraiment à la radio live, là, c'est ça. si on n'était pas préenregistré, qu'on va couper son montage. On n'est pas préenregistré. On n'est pas, t'es sûr? T'as dit. Je pensais que j'avais encore un filet. Non, c'est ça, si on avait été organisé comme faut, Bernard Adamus aurait commencé à jouer Arrange-toi avec ça tout de suite. Ça a été cute au bout, tu trouves pas? Ouais, mais c'est pas grave. Peut-être que par la magie de la radio, ça va sonner bien. Les airs. Oh! Pas pire! Bernard Adamus, ça sort la truc. Thank you. temps web. Je m'enseigne même cours après le samedi. D'autres ben la peine qui s'aime. J'ai pour mon dire que les poches ben pleines. Quand ils regardent pas, ils vident les tiennes. Du monde dans le toit, mais l'autre dans le chemin. N'a que tout un autre qui se plaint. N'a que tout un autre qui se plaint. Deux, trois becs plates avant d'y aller. Pis ben du courage pendant le souper. À toutes les soirs, il est 22h. Pis y'a du monde qui passe à l'air ailleurs. Des gars ben croches qui roulent la portante. T'as du monde ben drette, ça coupe des plages. Y'a 9 à 5 pis le gars qui se craque. Pas dire que ça suce quand tu te crossiens. Fais ce que tu quand tu n'as pas. On est gros pis on est là. Ce talent. Et tu ce talent. Pour peindre les loups sans même les connaître. Et tu aimes les gens de la même manière. Tout tu as ce talent. Tout tu as ce talent. De lesbiennes que de gens de couleur, c'est peut-être un hasard, c'est peut-être un hasard. Avec Podcast, qui est la pièce Talent à Assemblage Requis. Parlant de talent, avec Podcast, c'est quand même un groupe de talent. Beaucoup de talent. On s'entend là-dessus. Et ils ont gagné à la disque, c'était en fin de semaine. Oui, exactement. On a gagné un Félix. C'est quoi, auteur-compositeur? Moi, ça se peut très bien, ça se peut très bien. Me semble. Mais ça m'amène sur le point, parce qu'on parlait de justement la pièce, on parlait de choses qui m'achalent l'envie. T'sais. Puis évidemment, le commentaire est pas nouveau, là, vraiment pas. Je pense qu'on dit à chaque année que ça arrive, la disque. Mais je trouve ça dommage, les articles dans des publications, de grosses publications, de gros journaux, par des journalistes de renom, qui disent que le journal, que le gala n'était pas assez mainstream. Je trouve ça dommage un peu d'entendre ça. Pour une fois que la disque récompense des talents et des vraies choses bonnes à la place de seulement le nombre de disques vendus, je trouve que c'est bien. Mais dans les grands journaux, on disait « Monsieur, madame, tout le monde, c'est les 1, je sais pas, c'était 2 ou 3 ou 4 millions de gens qui ont écouté ça. Il faut qu'elle ait la petite nanane. Il faut que Maxime Landry gagne quelque chose. Parce que sinon, monsieur, madame, tout le monde n'écoutera pas le prochain gala. » Moi, vraiment, ce qui me désole, c'est pas tant ça, mais c'est de voir que sur les compétiteurs, en fait, la chaîne voisine, TVA, c'est qu'il y a quoi, 2-3 millions qui écoutent Occupation Double en même temps? Non, mais puis après ça, écoute, tu te demandes pourquoi la disque... du coup, c'est plus fort que moi. Ouais. Mon prochain! Éconnu! Non, mais pour vrai, tu sais, sacrifice. Sacrifice, non, mais exactement. Où c'est qu'on s'en va? Puis après ça, t'as du monde, tu sais, sur Twitter, sur Facebook, puis partout, dans les journaux aussi, dire, ben, c'est quoi ce montage-là au début du gala? Personne connaît personne là-dedans. Tu sais, voyons, des Marie-Pierre Arthur, des gros noms dans l'Underground. On sentait que c'est les plus gros noms dans l'Underground qui ont gagné hier. Là. Les Lisa Leblanc, la Ligue Podcast, les Vincent Vallière, Cœur le Pirate, maintenant, si on veut. C'est quand même des gros, gros noms de l'Underground, là. Des ouais, exactement. Choses. Si tu connais pas ça, le problème, est-ce qu'il est vraiment dans le gala ou est-ce qu'il est chez la personne qui a pas de culture musicale? Ben là, c'est parce que si tu connais pas Vincent Vallière, Cœur de Pirate. Ben, c'est un peu ça, je me dis, là. T'sais. À moins que ça t'intéresse pas du tout. C'est ça, correct que ça t'intéresse pas, mais qu'est-ce que tu fais écouter un gala d'abord? Parce que tu veux vraiment qu'on te présente les affaires que tu connais déjà. C'est pas déjà assez un festival de on est bon l'un l'autre, puis on se serre la main, puis on est donc bon. T'sais. C'est déjà ça, là. On a-tu vraiment besoin de dire Maxime Landry, t'as vendu plein de disques. Non, c'est ça. T'es bon. Ben non. Pas besoin de ça. Non. Donc, c'est ça. Mais à chaque année, c'est le même commentaire. On se répète, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Mais c'est ce que les journaux font aussi en disant ces affaires-là. Puis ça m'énerve. Ça l'énerve. Voilà. Ah, c'est chaud, c'est-tu, hein? J'essaie de retrouver l'article de commentateur. Je pense que c'est il me semble que c'est La Presse. Je pense que c'est peut-être Marc Cassivi. Je suis pas sûr. Sinon, c'est Richard Terrier. En tout cas, c'est un de ces gens-là qui dit c'était pas assez mainstream, puis ça devrait être plus grand public, des affaires. Ménard! Voilà pour tout le temps de quoi. On revient dans quelques minutes avec C'est un fait, Regular Edition, One Size Fits All. Oh. C'est là. Assemblage Requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. L'émission qui construit votre journée à partir de matériaux de qualité. Assemblage Requis se poursuit jusqu'à 9h. my dear. The stars creak, I sleep, it's keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes. Some days I can't even trust myself. It's killing me to see this way. Cause though the truth may vary, this ship will carry our bodies into shore. Tell her that I miss our little talks. Soon it will all be over, buried with our past. We used to play outside when we were young and full of life and full of love. Some days I feel like I'm wrong when I am right. Your mind is playing tricks on you, my dear. Though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore. Don't listen to me. Gone away, I watch you disappear. All that's left is a ghost of you. Now we're torn, torn, torn apart. There's nothing we can do. Just let me go and meet again soon. Now wait, wait, wait for me. Please hang around. I'll see you when I fall asleep. Hey! So listen to me. We'll carry our bodies safe to shore. Though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore. Of Monsters and Men et la pièce Little Talks. J'adore ça. Exact, hein, c'est j'adore, bon. J'adore ça. Et d'ailleurs, ils vont être en spectacle dans le cadre du festival M pour Montréal. Mais il n'y a plus de billets. Non, bon, déprimant ça. Oh. Mais c'est bon. C'est pour ça qu'il n'y a plus de billets. Ben oui, c'est bien normal. Je pense qu'on est juste à temps près. Je pense que ma tornade est passée. Est passée. Ouais. Voici, c'est un fait. C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, vérifiables et véritables. Et là, cette fois-ci, ben, on le précise parce que c'est rare, c'est une édition régulière. Ouh! Donc, plein de sujets variés. On commence avec une joke de pète. Ou une blague joke de flatulence. De oui, c'est ça. Okay. Une blague de flatulence. Mais en fait, c'est que les pets, les flatulences, sentent pire dans la douche parce que notre nez fonctionne mieux à la chaleur et à l'humidité. Ouais. C'est vrai. Non, mais ça c'est bien meilleur dans la douche. Non, mais souvent quand t'as une grippe, tu t'en vas dans la douche, puis ça t'aide à débloquer les sinus. Ouais, ouais. Exactement. C'est pour ça. Il y a un restaurant à Tokyo qui te permet, et là ça va être hard, un petit peu intense, hardcore pour ce matin, là, mais il y a un restaurant à Tokyo qui vous permet d'avoir des relations avec un animal OK? Et ensuite, on le tue, on le fait cuire et on le sert à vous et à vos invités. Après avoir eu des relations avec. Sexuel, on s'entend. Ouais, ouais. Ouais. Pas chic, hein? C'est à Tokyo. La plupart des choses qu'on retrouve dans la marijuana, les choses chimiques dans la marijuana, sont aussi dans le sein de la mère. Breast milk. Le lait maternel. L'échelle qui classe, ou en tout cas, qui tu sais, les chiffres qu'on donne tout le temps, les ouragans catégorie 5, etc. Ouais. Donc, cette échelle-là d'ouragan, catégorie 1 à 5, c'est l'échelle Saffir-Simpson Hurricane Wind Scale. Saffir-Simpson Hurricane Scale. Wind Scale. Wind Scale. Wind Scale. Évidemment, on ne vous expliquera pas ce que c'est. Météo-Média ne fait que ça de sa journée en ce moment, vous parler de qu'est-ce que c'est un ouragan et quelles sont les catégories. À un certain point, dans les années 90, 50% de tous les CD qui ont été produits, à l'époque dans le monde au complet, avaient un logo de quoi dessus, tu crois? Je sais. Dans le monde entier, 50% avaient un logo d'AOL, American Online. Ah. C'était très populaire à l'époque. Apple a présenté pour la première fois son iPod il y a 11 ans, en date du 23 octobre dernier, et les journalistes, au départ, lors de la sortie, ou en tout cas lors de l'annonce, disaient que l'appareil avait un auditoire ou un public potentiel relativement limité. OK. Ils disaient que ça marcherait pas. C'est bien. C'est un bel échec de la part des journalistes, faut te fier à ça. Le Q dans Q-tips, sais-tu ce que ça veut dire? Q pour Q-tips. Bonne question, j'imagine. Question. Je sais pas, non? Ça veut dire qualité. Ah. Et au départ, ça s'appelait des baby gaze. Baby gaze. Mais c'est devenu des quality tips, des bouts de qualité. Les crocodiles ne peuvent pas bouger leur langue. Non? Blablabla. Ils sont incapables? Incapables. Cannot do it. Eh bien. Ouais. La plus petite espèce de requin est le dwarf lantern shark, qui mesure environ entre 6 et 7 pouces de long. Pour un requin, là, 6 à 7 pouces, là, c'est un demi subway. Ouais. Ou pour une fille, un subway complet. Ah, les filles, ça mange chien qu'un 6 pouces. Hein, c'est... Ouais. Faut pas de blague là-dessus. Hein. Ben non. La plupart des poissons ne dorment pas. Ils ont seulement des périodes d'activité plus faibles. OK. Ils font moins de choses, mais ils dorment pas. Les girafes n'ont pas de corde vocale. Non? Non, elles communiquent avec leur queue. OK, mais émet aucun son? Ça dit qu'ils n'ont pas de corde vocale. Je sais pas. Eh bien. Je sais pas. Ils peuvent. Intrigué. Il y en a un, en tout cas, dans les commentaires. En effet, ça a l'air un petit peu bizarre. Dans les commentaires, ça dit qu'ils peuvent crier. Mais tu peux pas crier si tu n'as pas de corde vocale. Bizarre. Je sais pas. Je sais pas comment il crie. L'acteur Macaulay Culkin, tu te rappelles de Macaulay Culkin? Qui ne se souvient pas. Sa mère, en fait. Pourquoi? Dans le film. Ouais. Dans le film, ouais. Maman, elle l'a oublié à la maison. Ouais, ouais. Donc, Macaulay Culkin, de Maman, j'ai raté l'avion, a été le premier enfant à se faire payer $1 million pour un rôle. Devine dans quel film c'était, ça? $1 million pour un rôle. Ben, Maman, j'ai raté l'avion. Non, ouais. My Girl. My Girl, c'était le film L'été de mes 11 ans. Ah, OK, OK. En 1991. T'as pas quoi? Il était jeune? Oui, il était très, très, très jeune. Et un autre film avec un titre que je trouve donc logiquement traduit, tu sais. My Girl devient... Little Mills. Ouais. La première. Non, celle-là, je. Non, pas celle-là. Pittsburgh. Tu sais, quand tu sais pas comment traduire quelque chose, c'est au prochain. Pittsburgh est la seule ville où toutes les équipes de sport majeures ont les mêmes couleurs, noir et or. Ouais, c'est vrai. Mmh. En fait, je vais m'essayer à le traduire quand même, parce que là, je n'ai parlé, puis ça a l'air bizarre de sauter par-dessus si je n'ai parlé. Si je comprends bien, ça dit The First Baseball Caps. Moi, ce que je traduis par ça, c'est les premières casquettes de baseball. Casquettes de baseball. Ouais. Qui étaient faites avec de la paille. Est-ce que ça se peut? Ça a l'air louche. Ben, première casquette de baseball en paille. Ça se peut. Je sais pas. Ben, les fans, dans le temps, mettons que les casquettes n'étaient pas encore inventées. Les magasins Lids n'étaient pas encore aussi populaires. Je comprends pas pourquoi ils sont populaires en ce moment, mais bon. Tu sais, Lids, là, magasin de casquettes. Là. Ouais. Comme pourquoi. Donc, peut-être, avant les casquettes, c'est de la paille. Je sais pas. Ouais. C'est ça. Noir et or, ça c'était Pittsburgh. Trois continents. L'Afrique, l'Amérique du Sud et l'Antarctique n'ont jamais accueilli les Olympiques. Tu sais, en tout, il y a quoi, 5 continents? Ouais. Donc, il y en a eu 2 qui ont eu les Olympiques. OK. Je comprends bien, c'est ça? L'Afrique? Non, mais l'Asie a certainement, oui, a eu l'Asie, aussi. Mais oui. Ben, c'est ça, mais l'Asie est l'autre, j'imagine. Ben, c'est pas parce que l'Amérique, ouais. L'Europe. Ouais, l'Europe, oui. L'Asie? L'Asie. Pas trop? L'Amérique, ouais, c'est ça. Ça veut dire que l'Amérique du Sud, il compte. Ben, parce que c'est plus le fait qui est mal écrit, je pense. Parce que 3 continents, l'Afrique du Sud. L'Amérique du Sud, pardon, c'est comme l'Amérique. Ouais. Je sais pas. Et qu'on est bon en géographie. C'est fou, hein, on a complètement. On fait des fous, nous autres. Là. On a vraiment appel, les gens vont regarder. Oublie tout ça. On va en entendre parler. Moi, c'est sûr qu'à 9h, je vais en entendre parler. C'est sûr. Laissez faire. Identifie les joueurs de baseball par leur numéro. Ça a démarré, ça a débuté avec les Yankees en 1929. Ça a démarré? Ça a débuté. Débuté? En 1929. OK. Hey, je suis déjà assez... je me juge déjà assez moi-même par rapport à mon manque de connaissances générales. D'où l'idée de faire C'est un fait pour essayer de s'en avoir un petit peu. Là. Le corps humain a changé plus depuis les 100 dernières années que depuis les 50 000 précédentes années. Les adultes sont 50% plus lourds et font 4 pouces de plus de hauteur depuis les 100 dernières années. Incroyable. Chaque cellule du corps humain contient 6 pieds d'ADN. Si on les mettait bout à bout... 6 pieds d'ADN. 6 pieds d'ADN, c'est juste un petit peu moins que moi. Tabarouette. On se rendrait jusqu'à la Lune et on reviendrait, donc 200 000 fois, si on mettait ça bout à bout. Okay. Les dauphins ne peuvent pas sentir... Je pense que je l'avais déjà fait celui-là, mais ne peuvent pas sentir... L'odeur. Un millionnaire de la loterie sur 10... Okay, ouais. Millionnaire? On me corrige déjà par... Ah, c'est ça. Non, c'est pas la réponse, mais on va me parler de continent tantôt, je pense. Qu'est-ce qu'on disait? Millionnaire sur 10. Un gagnant de millionnaire à la loterie sur 10, exactement, a acheté une caravane avec ses lots. Plus de... Une caravane. Et plus d'une personne sur 4 a acheté un spa. Ah ouais? Un spa. C'est pas merveilleux, ça? Moi, je m'achèterais un spa, certainement. C'est pas du luxe, hein? C'est un peu du luxe. Jusqu'à environ... j'essaie de traduire correctement. Les koalas de Queensland. Queensland, c'est en Australie, ça? Je me rappelle bien. Queensland, j'imagine. En tout cas. Donc, plus de 50% des koalas ont la chlamydia, là-bas, à Queensland. Ouais. Mon Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Sérieux, c'est dégueulasse. Hein? Vraiment. Les empreintes digitales d'un koala sont impossibles à différencier de celles d'un humain, nous dit-on. Non? Nous dit-on. Le tiers... des piles se font jeter alors qu'il reste encore 70% de puissance dans ces batteries-là. 70%. Bon, ouais. Le tiers des batteries. Ça me surprend, moi. Et quand j'en jette, il n'y a plus rien qui se passe. Non, ben c'est que c'est fini. C'est normal. C'est fini. Ouais. En octobre 2012, donc ce mois-ci, c'est le 27e anniversaire de la NES, la Nintendo Entertainment System. Il y a seulement 2 bars dans l'Antarctique au complet. L'Antarctique au complet a 2 bars. Pas 2 barres de cellulaire, là. Non, 2 barres pour boire de bière. 2 barres de bière, c'est ça. 2 barres de bière. Fait intriguant ici. Kurt Cobain s'est tiré. OK, si on se rappelle de ça. C'est un peu déprimant, mais c'est ça. Donc, il s'est tiré un mois après la naissance de Justin Bieber. Je sais pas s'il y a un lien entre les deux. Justin Bieber est né, c'est ça. L'acronyme OMG. Oh my God. Est utilisé depuis plus de 95 ans. Devine ce qu'est l'hypergargalesthésie. Hyper souvent? Non. C'est la condition de la sensibilité extrême au chatouillage, chatouillement. Quand tu te fais chatouiller. Pas sexuellement, là. Non. Juste comme ça, normalement. Ensuite, la première question. Tu sais, là, on parle d'ouragan, on parle de tempête depuis ces derniers temps. Encore une fois, je l'ai déjà dit, je vous fais pas de fait là-dessus parce que Météo Média s'en occupe à merveille. Mais la première question sur la foire aux questions du National Weather Service est... Est-ce qu'on peut nommer un cyclone tropical en mon honneur? Il me semble que tu vas te faire... tu vas avoir le nom... non, ça marche pas, ça. C'est beau, hein? Non, j'aime pas ça. Avant de juste pour être sûr, attends. OK. Il m'en reste quelques-uns ici. Ah, je sais. Il est ici. Une vache peut donner plus de lait qu'un humain peut consommer dans sa vie au complet. Une vache peut produire 200 000 verres de lait. T'as ma foi. Hein? Pas pire. Non, je suis en train de chercher comme un imbécile, là. Comme si c'était pas assez. On n'avait pas l'air assez fou de même tantôt. Mais donc, les continents, hein? L'Amérique, hein, c'est ça? Mm-hmm. L'Asie, l'Australie ou encore l'Océanie. L'Europe et l'Antarctique. Est-ce que c'est clair? On les sait. L'Océanie, il y a déjà eu des Jeux Olympiques, cette année, on se rappelle. Exactement. Bref, il y en a eu plus que 3. Ben, c'est ce que je pense aussi. Là. C'est un fait bidon! C'est sur Internet. On en a eu un. On est bon pour les trouver, les faits bidons, je pense. Hein? À date, là, on est trop brillants, Matt. On est beaucoup trop brillants, c'est ça. Ça compense. Vous repasserez avec vos faits bidons. Ben oui. Les yeux, tu sais, les ânes ont les yeux placés bizarres. Ouais. Ça les aide à voir leurs 4 pieds et leurs 4 pattes en même temps. C'est pour ça que leurs yeux sont drôlement placés. C'est un fait bidon, ça? Je sais pas, hein? Je commence à douter de toutes mes sources, moi, là. Amenez un âne! Qu'on m'amène un âne! Tout de suite. La plupart des grenouilles ont des dents, mais ils ne les utilisent pas pour mâcher. Les grenouilles avalent la plupart de leur nourriture tout rond. C'est super, hein? qu'on amène une grenouille. Tout de suite. Et le tiers de tous les divorces qui ont été passés en 2011, dans le fond, qui ont été approuvés, j'imagine, ou en tout cas demandés, ouais. Contenait le mot Facebook. Ah ouais? Le tiers de tous les divorces. Ça veut dire la blonde a checké le Facebook, a vérifié les messages privés de l'autre, des affaires pas saines, hein, comme ça. Là. Se créer des... Ça s'est terminé. Ça s'est mal terminé. Oui. Eh bien, ouais, il nous en reste deux, ce qu'on a fait, le jeu vidéo? On va faire ça, on a le temps. OK, on y va. La majorité du jeu Kid Icarus, tu te rappelles Kid Icarus sur le NES? Non, mais c'est un jeu quand même assez gros. Mais c'était quoi? C'est un petit bonhomme qui se promène puis qui tire des affaires, c'est des fléchettes. C'est pas la fin. Donc, Kid Icarus a été développé en 3 mois. 3 mois de travail intense. Les développeurs restaient debout toute la nuit et dormaient au bureau. Ouais, ils créaient des petits lits de carton, avec des boîtes de carton et des rideaux. Il était stressé que ça? Ben, je sais pas. Pour endurer les heures de froid hivernal dans une bâtisse qui n'était pas chauffée. Ben voyons. Non. Manque de budget, je sais pas. Je sais pas. Mais c'est ça. OK, François? Oui. Super. Et le premier jeu vidéo à avoir été joué dans l'espace, c'était Tetris en 1993. Le jeu et le Game Boy sur lequel on a joué ont passé 196 jours à bord de la station Mir et ont orbité la Terre pendant plus de 3000 fois. Et le jeu et le système ont été vendus aux enchères en 1996 pour 1220 bidous. Ouais. C'est pas si cher, j'avais pensé plus que ça. Moi aussi! Tu restes pour ta quête? Hein? T'as plus de quête? Non, c'est fini. C'est fini. Juste une fois. J'ai-tu fait peur? Oui. Mon histoire à l'espace? Ben, je pense que oui. Colin, c'est comme sauter en bas de la stratosphère. Ouais. Hein? Bon. C'est inquiétant. Voilà pour cet fait pour aujourd'hui. Merci, Matt! Plaisir. Alors, j'ai de la misère. T'as des avec bruits ma voix, vocaux ben aujourd'hui. Ben oui, toi. Exact. Hey, mais oui. De toute façon, écoute, on pourrait peut-être faire tirer des un six-pack. Un six-pack, mon Ahmed. Ouais. Oui, qu'est-ce que tu veux comme six-pack à donner? Là? Ben, je sais pas, là, comment est-ce qu'on procède? Est-ce qu'on les nomme? Est-ce qu'on nomme un même peu, les gros noms, des grosses affaires. OK, ben, Passion Pit. Passion Pit en vinyle. En vinyle, exactement. Passion Pit, c'était carrément bon. Oui, en vinyle, écoute, c'est encore meilleur. Puis je pense que vous avez un cadre là, pour downloader. L'album au format numérique. Tout à fait, tout à fait. Donc ça, c'est un gros nom, Passion Pit. Un ou deux autres gros noms. Dry the River. Dry the River, c'est bon, c'est très, très bon. Ça, on aime ça. Band of Horses. Mm-hmm. Puis ça. En fait, là, il y a des surprises avec ça. Très bonnes affaires. Il y en a qui ont des Jack White. Tu sais, ça dépend de l'ensemble que vous allez gagner. Hey, dis pas n'importe quoi. Peut-être pas celui d'aujourd'hui, mais il y en a là-dedans. Donc, justement, tiens, pour vous donner un petit exemple de quoi ça va avoir l'air. Un petit peu de Passion Pit, exactement. Vas-y. Mais là, on va donner le numéro de téléphone. Ben, commence par ça. Et on va prendre quoi? Le premier, deuxième, troisième? Je dirais le troisième appel. Troisième appel, donc au 819-376-5183. 819-376-5183. Vous appelez, puis vous gagnez. On attend votre appel. 819-376-5183. Pour l'instant, c'est Take a Walk de Passion Pit. 376-5183. 376-5183. 376-5183. Faut que les gens l'oublient. Ça appelle-tu? Cause I lost I remind myself that times could be much worse. My wife won't ask me questions. There's not so much to ask, and she'll never front around an empty purse. Once my mind was locking just to stay a couple nights, and decided she would stay the rest of her life. I watch my little children play some board game in the kitchen, and I sit and pray they never feel my strife. Then my partner called to say the pension funds were gone. He made some bad investments, now the accounts are overdrawn. I took a walk. Tonight I swear I'll come home and we'll make love like we're young. Tomorrow you'll cook dinner for the neighbors and the kids. We can rip apart those socialists and all their damn taxes. But see, I am no criminal. I'm down on both bad knees. I'm just too much a coward to admit when I'm in need. OK, on me corrige. Au début, j'étais correct tantôt. On revient un petit peu en arrière tantôt dans l'histoire des continents, parce que ça finit ça jamais. Ça fait jaser, là. Ça finit jamais. Là, on me dit qu'il y a trois continents qui ont jamais reçu les Jeux olympiques. L'Antarctique, l'Afrique et l'Amérique du Sud. Mais, ça, c'est un commentaire que j'ai reçu. Mais en Amérique du Sud, ça va venir. Ça s'en vient avec le Brésil. Et on me dit que l'Antarctique n'est pas un continent habitable, donc ça compte pas. Moi, je compterais quand même. C'est pour ça que je suis tout mêlé, moi, là, parce que là, à un moment donné, c'est quoi ça? Il y en a qui comptent pas, il y en a qui comptent. C'est comme lui, c'est un demi-continent, là, c'est un incontinent, comme disait Michel Lebrun, pour le copyright de la blague ici. Ah, fait que c'est mêlant. On se quitte quelques minutes, on revient avec Michel Lebrun, justement, sa chronique juridique panier à salle. On va parler d'alcool au volant cette semaine. Ouais, exactement. Donc, mettez le doigt sur votre nez. Ouais. Et avancez en ligne de reprise, les yeux fermés. Pendant la pub, c'est ça votre exercice pendant la pub. Si vous êtes en auto, faites-le pas. Faites-le pas. Pour l'instant, c'est l'Info Campus. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Deuxième heure d'Assemblage requis en ce mardi 30 octobre 2012. Lui, c'est François-Louis Marchand. Et lui, c'est Mathieu Plante. Oui. Et c'est ça. On dirait que c'est fou. Je dirais que c'est une belle place. Là. Comme à chaque jour, du lundi au jeudi. C'est calme. C'est calme. Il n'y a pas de bruit autour. Non, c'est pas trop venteux. Non, ouais. pas de vent, pas de construction, pas de béton qui se défait en morceaux. Non. Il n'y a pas de ça du tout. Ce qu'on a par contre, c'est le point. Le point de la justice. Ben, le point de... Exactement. Tu pow! Biff! Bam! On accueille Michel Lebrun, sa chronique panier à salade. Bon matin! Bon matin! Bon matin! Des fois, on parle même de marteau, hein? le marteau de la justice. Là. Oui, le jackhammer, la justice, qu'on dit des fois. Aujourd'hui, on l'a, oui. Moi, je l'ai entendu dire. Donc, aujourd'hui, on parle entre autres d'alcool au volant. Oui, d'alcool au volant, mais effectivement, de ce concept-là, d'alcool au volant, point à la ligne. les gens connaissent le principe. Bon, on n'a pas le droit de conduire en état de conduire, c'est ça, en état d'ébriété. Mais il y a aussi le concept qu'on appelle la garde et contrôle qui a fait l'objet d'une décision de la Cour suprême vendredi dernier. La garde et contrôle d'un véhicule, c'est le fait d'occuper un véhicule en état d'ébriété, d'être sous l'effet de l'alcool ou de la drogue, et d'être assis dedans. Tu conduis pas, là, t'es juste assis dedans. Non, c'est ça. Ça aussi, on a fait la même infraction de cette situation-là, d'avoir la garde, en tout cas, le principe, c'est la garde ou le contrôle d'un véhicule, alors qu'on a les capacités affaiblies. Là, vous devez sûrement vous dire... Qu'est-ce que... tu me connais, là, attention. Quel est le danger qu'on veut prévenir? Pourquoi on criminalise le fait d'être assis au volant? J'ai pas connu beaucoup de drames de la route qui ont été causés par des gens qui étaient assis dans des véhicules immobilisés. Nombre de morts, zéro. Non, c'est ça. Puis on se dit, ben, tu sais, le droit criminel, ça vise à protéger quelque chose ou à interdire quelque chose qui est dangereux ou qui est... Bon. Et... Déjà, les gens... Moi, je remarque ça parce que ça fait assez longtemps que je fais de ces dossiers-là, mais que les gens ont plus de misère avec le concept, évidemment, de la garde et contrôle que le concept de la conduite comme telle. Mm-hmm. Les gens vont dire... souvent, les gens à mon bureau vont dire « Écoute, tu conduisais pas. J'ai fait ça parce que je voulais pas conduire. Je me suis soit arrêté. » Mais c'est niaiseux. Effectivement. Je trouve, parce que ça incite pas les gens justement, de ne pas conduire. Ça les incite quasiment à prendre leur auto et sortir chez eux pour pas être dans leur auto. Tu peux pas rester à côté de ton auto dehors quand il fait froid. Là, ben, exactement. Ben, oui, puis je pense que ce concept-là, il y avait sa raison d'être. Puis la raison d'être était la suivante. C'est que parfois, on va arriver sur les lieux d'un accident, par exemple. Quelqu'un a conduit, a eu un accident. De toute évidence, la personne a pas bu entre le moment où elle a eu son accident puis le moment où les policiers sont arrivés. Mais il y avait toujours le problème de prouver est-ce que la personne a conduit, à quelle heure elle a conduit, est-ce qu'elle était en boisson au moment où elle a conduit. Fait qu'on a adopté ce concept-là, d'après moi, parce que j'étais pas... je suis quand même vieux, mais j'étais pas au monde quand on l'a adopté. Okay, mais ça serait pour ça. D'après moi, la façon dont c'était conçu, c'était... Il y avait une certaine idée que je trouvais quand même relativement intelligente, c'est de dire, bon, ben la personne, on a énoncé le principe, on a dit, ben une personne qui a la garde et le contrôle d'un véhicule va être coupable de la même façon que la personne qui conduit. Et on a ajouté ce qu'on appelle une présomption. C'est qu'on a dit, la personne qui occupe la place du conducteur d'un véhicule à moteur, cette personne-là est présumée avoir la garde et le contrôle. Donc, on vise pas mal la personne qui conduit, puis la personne peut se disculper en prouvant qu'elle peut renverser cette présomption-là en prouvant qu'elle n'a pas embarqué dans le véhicule dans l'intention de conduire. Okay. Moi, je trouve que quand je le lis comme ça, c'est pas si mal. Disons que t'embarques sur le siège en arrière, mettons. Ouais. Peut-être que ça peut dire « j'ai pas conduit ». Ben, la présomption ne s'applique pas. Cette présomption-là ne s'applique pas. Et puis, c'est peut-être un peu la façon dont les tribunaux l'ont fait évoluer, ce concept-là, que ça a produit des effets pervers. Au départ, on se dit, bon, on arrive sur la scène d'un accident, puis les policiers voient qu'il n'y a pas personne d'autre, l'accusé propriétaire du véhicule, il est assis à sa ceinture, il est inconscient. On se dit, bon, ben, ce qu'on veut protéger en interdisant l'alcool au volant, c'est la sécurité publique, on veut éviter les accidents. Oh, c'est ça, exactement. Donc, si quelqu'un a eu un accident comme ça, est-ce qu'il pourrait se disculper en disant « Vous ne m'avez pas vu conduire. » Donc, peut-être qu'il y avait une certaine logique à adopter ce principe de garde et contrôle-là pour faciliter un peu la preuve dans des cas comme celui-là. Et puis, lorsque ça a été adopté dans les années 60, justement, il y a des gens qui sont arrivés... les premières contestations de cette loi-là, c'était de dire « Si mon véhicule ne peut pas bouger, il ne peut pas représenter de danger, donc je vous ai prouvé que je n'ai pas la garde et contrôle. » Et la Cour suprême des années 60 a dit « Non, ça, c'est un... vous êtes présumé avoir la garde et contrôle, que votre véhicule soit capable de bouger ou non, soit enlisé, soit un accident ou peu importe, ça reste un véhicule automobile. Donc, on peut vous trouver coupable de cette infraction-là. » Jusque-là, quand on voit qu'il y a eu vraiment conduite et qu'il y a eu déplacement du véhicule, on bouche un trou là, où certains coupables pouvaient peut-être se disculper. Donc, ça, c'était peut-être pas si pire que ça. Mais là, on continue, l'évolution de ça continue. Et là, à un moment donné, la Cour suprême se pose la question, c'est un arrêt qu'on appelle l'arrêt Ford, d'ailleurs, c'est le nom d'une marque de véhicule. Un monsieur qui s'appelle Ford. Ah, OK. C'est l'arrêt Ford, pour vrai? Oui, oui. C'est tellement un jeu de mots de mon calibre, ça, là? Ben oui. Hey! Ben justement, le droit, la réalité rattrape pas la fiction. La fiction, et puis, dans l'arrêt Ford, la Cour suprême... Et face à la situation suivante, on partait qui se déroule dans un champ, les gens font un feu, les personnes se stationnent là, puis M. Ford, lui, prend entente avec quelqu'un qui boit pas, parce qu'il sait que lui, il va consommer beaucoup d'alcool ce soir-là. Donc, pendant la soirée, il embarque, il débarque de son véhicule à plusieurs reprises pour aller écouter de la musique. Oui. Pour aller, en tout cas, quand la police arrive, ils sont quatre dans son véhicule. Mais il n'est pas question que le véhicule bouge. Sauf que... Et il y a des arrangements pour que quelqu'un le ramène à la fin de la soirée. Responsable. Quelqu'un le ramène à la fin de la soirée. Donc, là... La Cour suprême dit, oui, il aurait poussé cette présomption-là. Il a prouvé qu'il n'a pas embarqué dans le véhicule dans l'intention de conduire. Mais là, on a élargi le concept de garde et contrôle. On a dit, on peut quand même le trouver coupable de garde et contrôle si on considère que l'ensemble de son utilisation du véhicule a été susceptible de le rendre un petit peu dangereux. C'est-à-dire que, mettons que il part le véhicule, il l'embraye. Il tasse un peu, il l'a avancé, il l'a reculé. J'ai déjà vu des causes, par exemple, des gens qui sont dans un... quelqu'un qui est en état d'ébriété dans un stationnement puis qui est un peu en pente, puis la personne a un véhicule manuel puis les pieds sur le bord de comment on appelle le mot, la clutch, la pédale de désembrayage, ou le levier de vitesse, communément appelé le shifter, et puis accroche accidentellement ça, et puis à ce moment-là le véhicule se met à bouger, ça peut représenter un danger. La personne en état d'ébriété, bon, il peut causer un accident, puis tout ça. Fait que ça, c'est... La Cour suprême dit, ben, il y a peut-être une autre façon de trouver la personne coupable. C'est pas juste le fait d'avoir eu l'intention de conduire, c'est d'avoir eu l'intention d'assumer la garde et de rendre le véhicule dangereux. Ça, c'est un concept qui est très flou. Alors, là, on arrive, oui. Puis encore là, si t'es reconnu coupable de ça, c'est quoi les sentences? Est-ce que c'est les mêmes que la colle au volant? Tu soulèves quelque chose auquel j'ai pensé hier. Effectivement, si on avait des sanctions qui étaient moindres que les conducteurs, au moins, il y aurait peut-être lieu de... de sanctionner d'une certaine façon, mais pas enlever le droit de conduire. On donne les mêmes sanctions à quelqu'un qui a la garde et le contrôle, qui est assis dans un véhicule, qu'à la personne qui conduit. Et ça produit des effets pervers, puis on va y arriver. Là. Mais c'est sûr, quelqu'un qui dort dans son véhicule, écoute, il se fait prendre par la police, a le droit de présomption, là, comme tu mentionnais plus tôt, mais durant les trois prochains mois, perd son permis de conduire. Oui, dès l'arrestation. Ouais, dès l'arrestation. Fait que là, en fait, il n'y a pas de présomption de... Ben lui, en fait, ça, c'est un problème au niveau de la Société d'assurance automobile du Québec qui a créé cette sanction-là, qui n'existe pas au code criminel, mais qui est effectivement, on dit, les dangereux, les Ben, c'est parce que tu fais ça justement pour pas être dangereux. T'sais. Ben oui, ben c'est ça. Moi, j'ai vu ça régulièrement dans ma vie, des gens qui s'étaient couchés dans leur véhicule pour pas conduire, mais... Il y a une logique en arrière de ça. On dit, ben oui, mais la personne, elle va se réveiller, elle va se penser correct, elle va prendre son véhicule. Souvent, quelqu'un qui a un taux d'alcool, par exemple, de 200 mg, il se couche dans son véhicule, il se réveille 3-4 heures plus tard, il est encore largement en haut de la limite. Oui, c'est ça. Puis là, ben, vu qu'il a dormi, il se pense correct, puis il chauffe. Donc là, il y a une forme de risque. Mais, vous voyez, on arrive avec la question de Ford. Dans la décision de Ford, la Cour suprême dit, ouais, il faut élargir tout ça, ce concept-là, parce que le danger est trop grand. Arrive, 2 ans plus tard, une cause qui remonte à la Cour suprême. Et là, la personne, monsieur s'appelle Toze, un peu comme un orteil. Là, il avait les orteils au chaud. Il était couché dans un sleeping bag, dans son véhicule, dans une situation à peu près identique à celle de Ford. C'est-à-dire qu'il était dans un party, dans un champ. Puis bon, il avait consommé de l'alcool. Il n'avait pas l'intention de conduire. Et là... Là, il s'est retrouvé assis à la place du conducteur, mais disons les fesses. On dit les fesses au volant, mais dans un sleeping bag et couché. De toute évidence, il est là pour dormir. Et encore une fois, ben là, on a dit, ben, écoutez, la clé était dans le contact dans ce dossier-là. Ah oui. Hein. La clé était dans le contact et la radio jouait. Donc, la Cour suprême dit, fait une petite pirouette en disant, ben on sait pas qui a mis la clé dans le contact. C'est peut-être pas lui, là. Fait on peut pas y reprocher ça. On dit, bon ben. Dans un sleeping bag, il voulait utiliser le véhicule comme une maison, comme une place pour dormir. Donc là, on pouvait l'acquitter. Fait. Là, les juges, on commence à essayer de jongler avec tous ces concepts-là. Et ça conduit à toutes sortes de c'est parti dans toutes sortes de directions. À un moment donné, les cours d'appel, comme à Terre-Neuve, là, on avait la personne qui dit, par exemple, je prévois d'aller coucher chez quelqu'un qui reste tout près de l'endroit où je bois. Là, si je suis dans un bar et... je m'en vais chez un ami qui reste tout près, puis là, la personne n'est pas là. Donc, je m'en vais dans mon véhicule, je pars le véhicule avec un démarreur à distance, c'est ça. Et un démarreur à distance, ça fait tourner le moteur, mais les clés ne sont pas dans le contact. Ah. Et ça, c'est un monsieur Decker, ça, c'est arrivé à Terre-Neuve. Et là, on dit, ben écoutez, il y avait-tu vraiment un risque? Il y avait un plan B, il allait coucher à un endroit qui était déterminé. Le véhicule tournait parce qu'il voulait se réchauffer. Puis là, ben... quand même, ça représentait pas vraiment de risque. Le véhicule en soi. Le gars, il a pensé, justement, là. Ben oui, c'est avec ça. Le démarreur à distance, hein. Tu prends toutes les. En tout cas, les. Tu fais vraiment attention. Ben, tu fais attention, protèges, exactement. Ben oui, puis là, il peut pas même. S'il touchait à quelques. Tu sais, il touche au frein, je pense, puis ça. Ouais, ça, ça s'éteint. Puis donc, il y avait une bonne sécurité. Le véhicule était sur le frein à main. Le c'est brillant, comme on dit. Donc. Lui, la cour d'appel a dit « Ouais, lui, c'est pas dangereux, donc on va le déclarer non coupable. » Ici, au Québec, on a eu une situation presque similaire. La personne chez qui l'accusé devait aller coucher n'est pas présente. Lui, il est stationné là, près du bar. Lui, il va cacher ses clés derrière le bar pour pas les avoir en sa possession. Pour pas les avoir en sa possession. Curieusement, notre cour d'appel ici au Québec dit c'est une manœuvre, dénonce un peu cette manœuvre-là comme si c'était un peu pour cacher quelque chose à la police ou c'est une espèce d'entrave. Ben, parce qu'il sait que ces cas-là arrivent, fait qu'il fait, il se protège. Ben, t'essayes du pain. C'est ce que je trouve. T'as pas le choix, faut bien que t'ailles coucher quelque part, t'as pas trouvé une chambre d'hôtel. Oui, puis curieusement, en parallèle avec ça, il y a eu des causes où ça allait un peu dans l'autre sens. En Ontario, il y a une cause, puis celle-là est encore d'actualité, mais. Quelqu'un qui a un accident, lui, il fait une sortie de route, et puis, ça, c'est la cause de REN, le W-R-E-N. Il fait une sortie de route, et là, son véhicule est enlisé dans le fossé, puis il ne peut plus bouger. Ça prend un towing, ça prend, une remorqueuse pour le sortir de là. Et il débarque de son véhicule, il essaye de le sortir, Il essaye fort, mais il n'est pas capable. Donc, là, il se rassoit à la place du conducteur, et il s'endort. Donc, là, ce que la cour d'appel dit, lorsque les policiers arrivent, bon, monsieur est là au volant, puis il dort. À son procès, il dit, oui, je conduisais, j'étais chaud, j'ai pris le clos, j'ai tenté de sortir mon char, et... Je me suis endormi. Quand j'ai vu que ça fonctionnait pas, et que c'était évident, je serais pas capable, je me suis recouché au volant. Et là, la cour d'appel dit, la présomption dont je vous ai parlé au début ne s'applique pas. Il n'est pas embarqué dans le véhicule dans l'intention de le mettre en marche, parce qu'il savait, quand les policiers l'ont trouvé, il était débarqué de son véhicule avant, il avait constaté que le véhicule ne pouvait pas bouger, donc il est rembarqué dans le véhicule pour dormir. Ouais. Un peu comme celui qui avait un sleeping bag. Donc, on a dit, là, il n'est pas en garde de contrôle au moment où les policiers le voient. Et tout ce qu'il nous a conté sur sa conduite antérieure, c'est pas de ça qu'il a été accusé. Il n'était pas accusé d'avoir conduit. Donc, ils ne peuvent pas s'en servir, mais lui en a témoigné. Donc, lui, il se fait acquitter. Donc, là, vous avez quelqu'un... Il était acquitté? Oui, ouais, il a été déclaré non coupable parce que lorsqu'il était embarqué au volant, il n'avait pas l'intention de conduire. Cette fois-là. Donc, c'est un peu comme un jeu à tag. Là, ouais. Tu débarques du véhicule, puis tu rembarques, puis c'était correct. Ça tout. Quand tu écoutais ce jugement-là, c'était un peu ça. Là, on arrive à... Et là, je vous dirais, c'est parti de tous les côtés. On a eu des décisions. Au Québec, on a eu quelqu'un qui était sorti pour partir son camion. C'est un camion réfrigéré. Quelqu'un qui est dans un bar, puis il ne veut pas conduire, mais son camion, c'est un camion qu'il y a de la nourriture là-dedans. Faut pas qu'il perde. Il veut pas perdre sa job en parlant à bouffe. Il veut pas perdre sa viande, mais il a perdu sa job parce que... Ben, c'est ça. Il a perdu son permis. Ouais, c'est ça. Finalement, la cour d'appel dit « Ah non, ça, c'est dangereux. Il aurait pu changer d'idée. » Donc ça va loin, là. Ben, effectivement, puis c'est peut-être ce qui a incité la Cour suprême à vouloir faire un petit ménage dans ça. Et là, l'absurdité, selon moi, mais évidemment, je suis pas... la Cour d'appel du Québec pense pas comme moi, puis il y a même un juge de la Cour suprême qui pense pas comme moi. C'est l'affaire de Boudreau, qui est le jugement qu'on a eu vendredi dernier. Donc, M. Boudreau, lui, une soirée bien arrosée, il est dans un bar, il rencontre une dame, il se rend chez la dame, et là, il est en un état d'ébriété très avancé. Il est à Chanel. Pardon? Il est à Chalet. Il saute dessus. Ah ouais. Ben, j'imagine parce que... lui, il est très chaud et il a déjà été condamné. C'est quelqu'un qui a déjà conduit en état d'ébriété. Donc, il ne veut pas perdre son permis et il reste encore quelques neurones pour lui dire de ne pas prendre son véhicule et de ne pas conduire. Donc, le véhicule est stationné. C'est la dame qui n'était pas en état d'ébriété qui avait pris le véhicule du bar qui l'avait amené chez elle. Elle avait conduit. En tout cas, il n'y a pas de doute. Personne ne laisse entendre que quelqu'un avait pu conduire en état d'ébriété. Et il est rendu 10 h le matin. Il a remarqué que la dame a le goût de se coucher ou peut-être qu'elle a de la visite qui s'en vient. En tout cas, peu importe. Il est convenu d'appeler un service de raccompagnement, que ça s'appelait Taxink, là, un peu comme les anges gardiens ou les allers-zéro ici, on est à Trois-Rivières. Et puis, On appelle et on attend dans la maison de madame et le taxi arrive pas. Là, madame rappelle une deuxième fois, mais là, elle dit, va attendre dehors. J'ai une autre date. La présence de monsieur n'était plus requise à la maison. Donc, lui, il sort, mais là, il fait moins 15, il vente, il grêle, je sais pas trop, là, ça va pas bien, il fait froid. Et lui, en attendant le taxi, décide de se coucher dans le taxi, pas dans le taxi, dans son véhicule. Et il recule le banc et il part le moteur pour se réchauffer. Oui. Le véhicule, il n'y a pas de risque d'accidentel. On le dit même dans le jugement, c'est un terrain plat. Il n'y a pas de danger d'accrocher, d'être sur le neutre ou de représenter quelques dangers que ce soit. Et puis, là, c'est le chauffeur de taxi qui arrive, qui le voit endormi. Et plutôt que de le réveiller et de l'embarquer, appelle la police. Il stoule. Petite parenthèse, la délation, on pourra en parler dans une autre chronique, mais c'est un sujet qui est très à la mode. On a des délateurs qui passent, tout le monde en parle. On glorifie ça aujourd'hui, mais vous voyez, ça, c'est peut-être un petit peu un effet pervers de ça aussi. Pas mal. C'est d'autant plus que ce service de raccompagnement-là existe pour amener les gens en état d'ébriété. C'est une drôle d'idée d'appeler la police dans un cas comme celui-là. Bon, là, il se fait arrêter et le juge qui entend toutes ces explications-là, il déclare non coupable. Il dit, monsieur avait un plan qui était réaliste, il n'y avait pas de risque que le véhicule puisse être mis en mouvement, il n'y a pas de risque de danger de quelque nature que ce soit. Et là, la couronne est pas contente de ça. Je sais pas, encore là, l'idée de faire un cas, un exemple de ce dossier-là, je la comprends pas vraiment, là, parce que je trouvais que ça envoie un drôle de message. Si cette personne-là est coupable, c'est pratiquement de dire à des gens en état d'ébriété, prenez votre auto puis conduisez plutôt que de dormir dans votre... On a plus de chances d'être détecté lorsqu'on est couché dans un véhicule qui... Parce que tu bouges pas, fait que c'est ça. Voir, c'est puis ça. Souvent, les policiers vont aller voir si la personne est en danger ou les effets du bon accès ou des choses comme ça. Donc, je trouve ça... il y a une décision de porter ça en appel et la cour d'appel dit... En état d'ébriété à ce point-là, en ayant tourné la clé, en ayant parti le moteur, quelqu'un peut changer d'idée n'importe quand. Donc, ils en ont fait une espèce d'absolutisme. Là. La personne dormait, de toute évidence, dormait pour un grand bout, puis avait appelé un taxi deux fois, puis c'est un service d'accompagnement qui était sérieux. C'était pas... c'est de toute évidence, et c'est vrai, parce qu'on a le chauffeur de taxi comme témoin dans ce dossier-là. Mais... on dit, non, ça, c'est des situations qui sont dangereuses en soi et qui sont potentiellement, quelqu'un peut changer d'idée, quelqu'un n'a pas de jugement lorsqu'il est en état d'ébriété avancé. Donc, on le déclare coupable malgré la décision du juge de première instance. Ça, c'était la Cour d'appel. Cour d'appel du Québec. OK. Maintenant, l'avocat, on va rendre hommage à l'avocat Jean-Marc Fradette de Chicoutimi, qui a été l'avocat de cette personne-là que je connais bien, décide de porter la cause à la Cour suprême. Et là, à 6 contre 1, parce qu'il y a quand même un juge Cromwell qui est un juge qui a peut-être une tendance plus courante, dont le Crown, il porte bien son nom. lui, il dit non. Et l'élément de danger n'a pas à être prouvé. Quelqu'un qui occupe la place du conducteur, quelqu'un qui touche au véhicule, part les essuie-glaces. Donc, ça, c'est une situation de danger. Dès qu'on constate que la personne est en état d'ébriété et a suffisamment de contrôle sur le véhicule, elle pourrait être trouvée coupable. Moi, ce que je prétends, quand tu lis une décision où, heureusement, c'est pas la décision qui va s'appliquer parce qu'il y a 6 autres juges qui pensent pas comme lui, mais on pourrait, avec un raisonnement comme celui-là, on pourrait pratiquement être trouvé coupable d'être assis dans son salon en train de prendre un coup. Et avoir nos clés dans nos poches. Ben oui. Exact. Parce que, c'est niaiseux comme ça. Je sais pas... Est-ce qu'il y a plus de chances pour des gens qui ont pris la décision de dormir dans leur véhicule, qui vont changer d'idée puis qui vont prendre leur véhicule, que des gens qui sont dans leur salon ou qui sont en état de boisson, qui vont aller chercher du lait au dépanneur? Ben oui, effectivement. Et puis, heureusement, le juge Fish, qui est un ancien juge de la Cour d'appel du Québec, d'ailleurs, qui est un juge du Québec, a rendu une décision où je pense qu'il ramène les pendules à l'heure. Il dit, c'est vrai qu'il peut y avoir une forme de danger. C'est vrai que des gens peuvent être trouvés coupables dans des situations comme celle-là. Je pense que la situation, parce qu'on fait de l'éducation, c'est bon de le savoir aussi. Le fait de simplement dormir au volant puis de dire, lorsque je me sentirai bien, je repartirai, c'est une c'est très risqué, puis je pense qu'il y a, il y a des bonnes chances d'être déclaré coupable dans une situation comme celle-là, parce que, justement, l'alcool se dissipe pas si vite que les gens en pensent, et se rendre soi-même le seul juge de son état de conduire, c'est un peu risqué. Surtout quand on a des taux astronomiques, là, comme je disais, des taux à 200 mg, la personne va dormir 3-4 heures, puis quand elle va se réveiller, bien, elle va être encore en haut de la limite, puis elle va représenter réellement un danger. Puis souvent, après avoir dormi, on pense qu'on est correct. Donc, cette situation-là, je pense qu'elle est encore dangereuse. Mais les personnes qui ont pris des arrangements, les personnes qui ont pris des arrangements sérieux et qui s'en tiennent à ça, je pense qu'ils peuvent bénéficier, à tout le moins, d'une certaine clémence de la cour, parce que c'est comme vous dites, c'est complètement illogique. Et puis, ben c'est aussi logique. Peut-être que l'exemple est vraiment mauvais, mais il me semble que c'est aussi logique que d'aller arrêter quelqu'un parce que il pense à se commander un couteau au magasin. Peut-être qu'il va tuer quelqu'un avec, t'sais. Ben, pas, vous dans, rappelez... dans l'ordre des choses, c'est pas un peu tôt. Exactement. Il y a presque aucune chance qu'il tue quelqu'un, à moins qu'il veuille vraiment. Vous vous rappelez le film avec un film de Steven Spielberg, un film de science-fiction où Tom Cruise voyait les meurtres avant qu'ils se produisent. Okay. Et puis, il Ciel pouvait... de vanille patente, là? Non, je me souviens plus du nom, mais... Ils allaient arrêter des meurtriers avant qu'ils commettent leur meurtre. Okay. Il y avait des gens qui prenaient une espèce de il y avait des genres de sages là, qui voyaient ça. Là. Et c'était un peu une parodie de ça, des crimes de la pensée. Ils n'ont pas encore commis le crime, ils ont juste pensé à quelque chose. Oui, j'ai un peu... Quand je disais ce que le juge Cromwell disait, ouais. Je me disais... Il y a un peu un jugement moral en arrière de ça. Ouais. Il y a des gens qui se disent... Ben, regardez là, des beuveries qui finissent à 10 heures le matin, puis on s'en va chez le monde, puis après ça, on n'a pas trop de plan B, on couche dans son auto. C'est pas, j'imagine, le comportement d'un juge de la Cour d'appel ou de la Cour suprême. Il y a pas beaucoup de juges qui font ça. Et puis non, mais en même temps, c'est légal. Ben oui, ben c'est ça. C'est des choses qui sont peut-être... On n'aime pas ou on peut avoir un certain mépris pour ce type de vie-là. Mais ça arrive. Quand, de ce point de vue-là, là, je dis pas que moi, c'est mon cas, mais les juges qui sont peut-être des fois un petit peu dans une tour d'ivoire, ben, peuvent dire, il s'est placé dans une situation dans laquelle moi, je me placerais pas. Et c'est là, déjà en difficulté. On veut, on a tellement peur, on voit du mal partout et puis on veut condamner tout le monde. Mais à un moment donné, ça devient... presque ridicule. Faut laisser les gens vivre là, un peu. Ouais. C'est un peu ce que j'ai déjà dit dans d'autres chroniques. Il faut quand même une culpabilité quelconque. Il faut qu'on soit coupable de quelque chose. Faut avoir fait quelque chose. Ben oui, juste d'avoir pensé à faire quelque chose, c'est pas assez. Ou juste de s'être placé dans une situation où c'était potentiellement faisable. Potentiellement, tu l'as dit. T'sais. Potentiellement, tu peux pas trouver quelqu'un coupable d'une potentialité. Là. Ça va devenir... ça va être la dictature, c'est du fascisme. Oui. Là, tu vois. Enfin. Mais là, avec ce jugement-là, ça va créer une jurisprudence. Exact. Donc là, en fait... là, je pense que les pendules sont pas mal remis à l'heure. Mais est-ce que la police est au courant? Ça, c'est un autre point. Ben, la police, c'est pas des juges. Hein? Il faut... On peut bien lui faire des reproches, mais eux, ils ont pas à décider. Mais souvent, en cas de doute, lorsqu'ils voient quelqu'un au volant, assis au volant... ils vont procéder à l'arrestation, puis ils vont dire, ça serait au tribunal à décider s'il y a ou non gardé contrôle. Mais s'il dort... Ce qui est un petit peu, François, pervers de ça, c'est qu'il arrive toutes sortes de... Les politiciens, vous savez, à toutes les fois qu'il y a deux, trois accidents ou des gens qui reviennent toujours à la charge, puis ils disent, là, ils cherchent des nouvelles lois. C'est une plus priorité sévère. Pour nous. On va... Et puis, lorsqu'on parle de crimes comme celui-là... une mesure qui a été instaurée par le gouvernement ici au Québec depuis quelques années, c'est la suspension immédiate. C'est-à-dire que le policier, justement, devient comme Judge Dredd, un genre de juge. et lorsque la personne a un taux d'alcool, il doit agir comme un robot. Là. Il dit, t'étais assis au volant, donc, et t'avais un taux de 81 mg, à la limite. Là, de 1 mg, c'est assez pour ce concept-là. Donc, je te suspends ton permis pour une période de 3 mois lors de l'arrestation. Et la personne n'a rien à dire. Là. Elle ne peut pas se défendre et elle est prise dans cette sanction-là. Dans ça, ouais. Pour des gens, là, quelqu'un qui n'a pas voulu conduire parce que, par exemple, c'est un camionneur puis il ne veut pas perdre son permis puis qu'il s'est retrouvé dans une situation comme celle que je vous ai décrite ce matin, mettons ce monsieur-là, Boudreau, il se retrouve suspendu pour 3 mois, il peut perdre son travail. Oui. C'est des drames, là. Et puis, les gens disent, on a pris des mesures contre l'alcool au volant, mais cette personne-là qui va être acquittée à la fin, comme M. Boudreau, qui a dû se rendre à la Cour suprême, Qu'est-ce qu'il a gagné ça, en bout de ligne? Il a dû perdre beaucoup. Il a dû payer des avocats. Oh, ouais, il a dû ça. Se défendre. Lorsque la cour d'appel, lui, il avait déjà été condamné. Donc, il était considéré comme pareil, comme s'il avait pris son auto. Ouais. Donc, il était un récidiviste. Donc, il était condamné à de la prison pour avoir fait ce qu'il a fait là. Et, ce qui est rien. Ben, ce qui est rien. Moi, j'aurais donné, si j'étais son père, j'aurais dit, bon, ben, t'as bien fait ce coup-là. Ben, au moins, t'as pas pris ton auto comme les autres fois. Ben, c'est ça. On devrait encourager ben, oui. ça. Ben oui. L'intention était là. L'intention, c'était... Vous voyez comment est-ce que le droit criminel peut parfois... Lorsqu'on veut trop élargir ou qu'on crée des paranoïas, ben, le balancier part d'un côté puis ça détruit les vies. Là. Il va falloir que la technologie règle ce problème-là avec un GPS intégré dans l'auto qui prouve que l'auto n'a pas bougé, quelque chose comme ça, ou encore un mode, un peu comme dans Windows, un mode sans échec. Tu mets ton auto dans ce mode-là, c'est le mode « l'auto ne bougera pas pour les X prochaines heures, puis je ne fais que dormir dans mon auto ». La technologie. Il pourrait avoir... Ben, il existe la technologie de l'antidémarreur. On pourrait avoir... Oui. On pourrait avoir... les gens qui sont condamnés maintenant ont ça dans leur véhicule pendant quelques années. Là, et le véhicule ne peut pas partir si le conducteur doit souffler dans cet appareil-là. Puis ça empêche le véhicule de partir. Si on installait ça sur tous les véhicules, ben pourquoi pas? Ça coûte moi, j'aurais plus de travail. Oui, c'est sûr. mais excuse. On se trouvait sûrement quelque chose d'autre. Inquiétez-vous pas. Mais lorsqu'on dit on a une volonté pour sauver des vies puis tout ça, pourquoi on fait pas ça? Donc, Michel Lebrun, futur ex-avocat. Inquiétez-vous pas, la semaine prochaine, je vais vous reparler d'alcool au volant parce qu'il va y avoir une autre décision qui va sortir vendredi cette semaine de la Cour suprême. C'est vraiment... là, vous allez en entendre parler parce qu'il y a des milliers de causes au Canada qui attendent cette décision-là. Vous allez voir, c'est sur la preuve technique qu'on peut apporter pour contredire un taux d'alcool dans un ivresse amère. Excellent. Génial. Ça fait bien que nos six-packs de CD, cette chronique-là. Oui? De l'alcool. On a l'air d'une gang de dépravés. Là, Michel Lebrun, la semaine prochaine, mardi à 8h pour notre chronique panier à salade. Bonne journée. Merci. On prend une petite pause musicale que tu nous suggères. En fait, c'est Richard Desjardins, la pièce qui a bien du sens à jouer en ce moment. Là, ça va fitter dans le décor pas mal. Richard Desjardins et J'ai couché dans mon char. J'ai roulé 400 000 sous un ciel fauché. Aux limites de la ville, mon cœur a clenché. Les gros flashs apparaissent dans mon âme égarée. Les fantômes se dressent à chaque pouce carré. Revenir d'exil comporte des risques, comme rentrer une aiguille dans un vieux disque. Y a eu ben du progrès, ben de l'asphalte, ainsi de suite. Je me demande qui je serai si je t'ai resté ici. Une peine imbuvable, à qui la faute? J'étais juste plus capable de l'avoir avec un autre. Mais c'est tout oublié, j'suis redevenu un homme. Le petit cœur pomponné, sans miroir ses vieux chums. Salut les apaches, salut les crottés. Vous me trouvez le stache, oui je paye le party. J'entends la fonderie qui roche, pour ceux qui le savent pas. On y brûle la roche et des tonnes de bons gars. Les grandes cheminées, éternelles comme l'enfer. Quand le gaz m'a poigné, j'suis venu tout à l'envers. Entendez-vous la rumeur, la loi de la compagnie? Il faudra que tu meurs si tu veux vivre, mon ami. J'ai passé mon petit change dans le trou du téléphone. Sentiment étrange, je rejoins plus personne. A time flies, que je me dis, je m'en vais faire de mon best. J'ai marché dans la nuit en cherchant un orchestre. Je prends ma chambre à Capri, j'aboutis dans la même. Même brûlure sur le tapis, même vue sur la mine. Comment dormir dans un lit ou de baiser des anges?

Boule de poêle. Boule de poêle. Pauvre petit chat, il doit être en burn-out. Il est pas chanceux, le chat. Hein? Il se fait virer de bord pas mal. Là. Ouais, je le sais. Il s'est tenu par la queue, puis... Ouais, j'espère que mon absence la semaine dernière vous a pas trop manqué. Ça fait quand même. Absolument pas. Je pensais plus, hein, finalement. Absolument pas, non. Ça a bien été. T'étais pas là la semaine passée? C'est comme le phénomène de déni, dans le fond. C'est le fait que tu te sépares de quelque chose qui te fait mal, mais t'admets pas qu'il est absent. Donc, dis non, il était pas absent. Non mais, puis c'est quoi, en fait, t'aurais même pas pu être là. Bon, il y a une panne de courant. Mais je pense, ouais, en fait, c'est David qui l'a causé. Vu qu'il était pas en personne, sûrement, ouais, que l'univers s'est dit, bon, ben, ça vaut même pas la peine d'avoir assemblage requis ce jour-là. Ouais, c'est ça. Donc, à 8h30, comme pendant une chanson, juste à la bonne heure, clac, t'as plus de courant. Mais ce sens, en plus, on a eu un problème. Je sais pas si tu t'en rappelles, dans le palmarès, c'est faux, on a eu un problème aussi avec une toune que je voulais présenter l'autre fois. Quoi? L'autre fois. C'était MySpace qui voulait pas. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui arrive? On dirait que j'apporte le malheur à ton système de son. Tu portes un chandail noir, puis t'as un chat dans ton intro. C'est comme un chat noir. Ben, François aime les chats et la pull noire. J'aime pas les chats. C'est vrai, c'est vrai. Puis j'aime moi, un peu les chats. Moi, je suis grand, tu me passes entre les jambes souvent, c'est comme une échelle. Quoi? Hein? Non, c'est pas vrai ça! Attends, c'est pas vrai ça! Qu'est-ce que vous faites là? Ça n'a pas rapport. Je comprends plus rien, moi non plus. Vous êtes qui, vous? Bonjour, enchanté, je m'appelle Gustave Lafenêtre. Oh, Gustave Lafenêtre! C'est vrai. Le plus grand fan de Windows 8. Ouais. Le seul fan de Windows 8. Tu veux-tu Windows 8, là? Bah non, ma vie est un enfer, je me coupe les veines parce que ça s'installe pas sur un putain de MacBook Air. Hey, ça s'installe sur un putain de MacBook Air, tu sauras. Hey, on savait notre langage, là. Oui, désolé d'avoir... En France, c'est plus comme... Ouais, j'avoue, désolé, mais je suis au Québec, je me donne des permissions. Bip, bip, bip! Bon! Hey, écoute, c'est l'Halloween s'en vient. Wow. On parle de chansons francophones et de l'histoire de peur. Oui. Est-ce que je me trompe? Oui, en fait, t'inquiète pas. Oui, je me trompe. Mathieu, je vais pas diffuser le best-of de Star Academy, c'est pas ça mon but à matin. Non, mais en fait... Ça aurait été bien dans le domaine de l'horreur. Ben. Ça aurait été bien, ouais. Ouais, mais non. Puis t'aurais pu sinon passer la chanson de Céline Dion qui a sac dedans avec un... Hein? Ouais, elle sac tout le temps dedans. Mais non. Hein? T'es mou tout tabernacle. T'es, t'es, mais non. Oui, il chante ça, le gars. Je te jure. Je te jure. Ah ouais? T'es monté de tabernacle. Une chanson de Céline Dion. Ah ouais? Hey, vers où est-ce qu'on s'en va? Là? Je sais pas, mais je crois que Sunday est passé. Ça a bouleversé la société. Sunday. Ben, hier, hier soir, ça ventait pas mal fort. Là. Le gros soleil le matin. Oui. C'est le fun, les parler de météo pour les gens qui nous écoutent sûrement en rediffusion samedi après-midi. Genre. T'as même pas de chronique météo. Samedi, il va faire beau. Il va faire beau sûrement samedi. Vendredi matin? Ouais. À 6h? Je sais pas. 7h? Ouais. Pas. On verra. Mais parlant de beau temps, bien on s'en va dans une fête qui ensoleille la vie d'enfants et d'adultes, c'est-à-dire Halloween. Et Halloween? Halloween. Nye? Oui, Halloween, c'est la version québécoise défroquée de mon cerveau. Donc, Halloween. En fait, je vais vous présenter trois chansons qui parlent de trucs reliés justement à cette fête, c'est-à-dire les fantômes, les monstres et les sorcières. Oui, donc vous êtes mieux d'avoir peur. Vous êtes mieux d'avoir peur. Oui. C'est ça. Je pensais dire vous êtes mieux d'attacher votre truc avec de la broche. Non. Aussi, oui. Parce que les trois chansons vont vous décoiffer. Donc, attachez votre truc avec de la grosse broche. Parce que la première chanson, je vous présente une chanson de Karim Wallet, c'est-à-dire le monstre. C'est-à-dire le monstre qu'il affronte. Mais j'ai comme l'impression que le monstre, c'est pas juste le monstre avec quatre bras qui bavent de partout avec une dent. Des bras qui bavent? Oui, des bras qui bavent. C'est pas ça. J'ai dit des bras qui bavent. Ouais. Mais c'est pas grave. Bref, le monstre, je crois, c'est plutôt nos peurs personnelles. On affronte nos peurs. Et on les combat par nous-mêmes et on prend notre courage à deux mains et on affronte notre monstre à l'intérieur. Qu'on va écouter. Oui. Karim Ouellet, tout de suite. À ouais, avec le monstre. C'est la langue dans ton oreille. Mais une langue qui fait peur, mettons. Une langue ensanglantée. Ouf. Karim Ouellet. Qu'est-ce qui se passe. S'il y a un monstre sous mon lit, je ne dormirai pas. Je vais le prendre par les cornes et m'en faire un repas. Je n'ai plus peur de toi. Keeping my light down low. I'm not afraid of the dark no more. Oh, oh. Faut pas le réveiller. Mon squelette au placard, mon oublier. Changer ce monde un peu de musique. This is how we use it. How we usually do. Je ne dormirai pas. Je vais le prendre par les cornes et m'en faire un repas. keeping my lights down. I'm not afraid of the dark no more. Faut pas le réveiller. Mon squelette au placard, mes oreilles. Pour changer ce monde, un peu de lumière. Tous les mains dans les airs, la terre tourne à l'envers. Je me couche à l'heure du vampire. Achever son empire à s'en déchirer le linge. Et quand on s'endort, on oxe. Pousser dans des pensées comme mauvaises herbes et passer à l'action. Chasse même les sorcières. Put your lights out. Je connais quelques histoires de monstres à faire grimper la colère à mon rideau de fer. Donc, j'irai tirer sur le monstre avec Claude. Mais ne surtout pas le montrer, le monde parle trop. Come on! S'il y a un monstre sous mon lit, je ne dormirai pas. Je vais le prendre par les cornes et m'en faire un repas. Je n'ai plus peur de toi. Keeping my light down low. I'm not afraid of the dark no more. Oh, oh. Faut pas le réveiller. Mon squelette au placard, mon oublier. Changer ce monde, un peu de musique. This is how we use it, how we usually do. Je ne dormirai pas. Je vais le prendre par les cornes et m'en faire un repas. Keeping my light down. I'm not afraid of the dark no more. Oh, oh. Faut pas le réveiller. Mon squelette au placard, mes oreilles. Changer ce monde, un peu de lumière. Tous les mains dans les airs. La terre tourne à l'envers. Ma maman qui montre ça ne se peut pas. Ma vie quand on ira pour le fond. Oui, c'était Karim Ouellet qui affronte le monstre sur son album Plume. Ah, Karim. C'est un de mes préférés, moi, Karim. Pour vrai, il sort un nouvel album le 27 novembre prochain qui s'appelle Fox. Wouh! Wow! Wouh! Fox dit? Comme dans Renard. Wouh! C'est-tu le thème à la... Wouh! Wouh! Comment? Wouh! Pom pom pom pom pom pom. Non, mais Karim Ouellet, pour vrai, tiens à te féliciter. Oui. David, vraiment. Bonne réalisation, tu chantes bien. Non, mais bon choix de pièce. Tu m'as surpris. Le monstre, on va dire que ça fit avec l'Halloween. Bon choix. Vrai? Moi, en tout cas, j'approuve. Juste une seconde et je. Chitera, là. Ben. Wow. Je. Chitera. François-Olivier Marchand qui me dit qu'une des tunes que je présente est bonne. C'est comme si la reine d'Angleterre dirait un de ses sujets, toi, tu es incroyable. Oh, mais là, écoute, je te l'ai dit une fois. Là. Dans, au lit ou. Puis là, il te reste deux autres pièces. Ouais. Pour tout détruire. Ouais, c'est ça. Écoute, la destinée du monde. Tu vas très bien réussir à tout détruire. Ben, c'est ça, l'Halloween, c'est le côté ravageur, le côté catastrophe. Parlant de catastrophe, Sandy, ça a l'air qu'elle est assez dévastatrice. C'est ce que Sandy, là, ouais. Oui, mais pour revenir à nos moutons et à nos chats, eh bien, je vais m'en aller du côté de la France avec Olivia Ruiz et une de ses chansons qui s'appelle « Peur du noir ». Et là, elle parle de sa peur de ses fantômes. Mais elle, au lieu de prendre son courage à deux mains et affronter le fantôme ou les fantômes, elle obtient l'aide de sa mère qui sert de veilleuse. Et donc, le travail d'équipe mère-fille s'opère grâce à la chanson « Peur du noir » d'Olivia Ruiz, tirée de son album « Miss Météore ». Je voudrais demander la veilleuse à maman. La porte ouverte et la lumière du couloir. J'ai peur qu'ils viennent se nourrir de mes tourments. J'ai peur qu'ils se ramènent. J'ai toujours peur du noir. Je le sais, je le sais. sens, un fantôme m'attend. Grouiller, pépite de peur dans mon ventre. Danser, je m'ensommeille. Je guette et j'écoute, j'inspecte de l'air chaque mouvement. L'ombre d'un revenant m'attend. Tapis sous le tapis, je la sais, je la sens. Je la crains, je me tends. Elle brûle les rêves des enfants. C'était Olivia Ruiz avec la chanson « Peur du noir » tirée de son album « Miss Meteor » sorti en 2008. Et bientôt, elle va sortir un nouvel album en novembre en France. Je ne sais pas si ça va sortir bientôt au Québec. D'ailleurs, j'ai pas la confirmation encore du titre, mais dès que je l'ai, je vais tout vous dire ça. Et j'ai hâte parce que c'est une bonne artiste qui se démarque, qui s'est dit « ben, je sors du mainstream et je vais écouter mes instincts d'auteur, compositrice et d'artiste. » Elle fait bien. Oui. Oui. Et elle faisait peur dans le milieu de la chanson. Il y avait un bout, c'était comme « ouh, il y avait une petite ambiance, moi j'aimais ça. » Mais écoute, crème aux champignons, puis tu vas trouver ça encore plus épeurant parce qu'elle raconte... Ça, c'est louche. Hein? Crème aux champignons? Oui. Parce que j'adore ça, tu sais que c'est la crème aux champignons, j'adore ça. Donc, oui. Sauf qu'elle, elle s'en sert pour empoisonner ses chums. Oh. Ça marcherait avec moi, c'est sûr. J'en prendrais pareil, parce que c'est tellement bon que tu m'empoisonnes, c'est pas grave, ça goûte bon. Puis j'espère que t'aimes pas non plus les pâtes au basilic. Oh, oui. Les pâtes au basilic des Guignes de Saint-Pierre. Toi, là, si on te donnait la soupe aux champignons d'Olivia Ruiz avec les pâtes au basilic d'Ingrid Saint-Pierre, t'es foutu. Un petit pain à l'ail? Y a-t-il une toune d'empoisonnement avec les pains à l'ail que je connais pas? Je sais pas. Ah, faudrait que j'aille rechercher ça. Faudrait, parce que là, c'est vraiment, tu aurais tout pour me conquérir. Ah oui, je vais voir si Mireille Mathieu a sorti une toune sur le pain à l'ail. Bon. Ah. Ça tourne en rond. On va aller voir ça, là. Ouais. Oui. Donc, il nous reste une dernière chanson à écouter, David. Ouais, en fait, ça vient d'Irita Mitsuku, d'ailleurs. Petite parenthèse. Pas elle! C'est pas une personne. Non, espèce d'inculte, comme Eurythmics. Espèce d'inculte, on dirait que t'écris pour un journal qui parle contre la disque, comme de quoi qui s'est passé mainstream. Allô? Hein, t'as lu ça, toi? Passé mainstream, la disque. Laisse le faire. Trop underground. Ah, je suis allé là-dessus tantôt, là. Ça m'a mis un petit peu. Hein. C'était exprimé. C'est ça. Tu t'es fait aller. Je me suis fait aller. Ben, c'est bien. Faut libérer l'expression de soi, mais parlant d'artistes qui laissent aller leur instinct artistique, l'Irita Mitsuku, d'ailleurs, l'indication musicale qu'on entend... Pas là, mais au début de la chronique. Oui, en fait, pas les chocs. Le choc qu'on entend, ça, c'est un montage de Denis Janvier, d'ailleurs, qu'on peut écouter à Dîner de con dès 11h ce midi. C'était des belles plugs! Oui. On va refaire jouer ton intro en arrière pendant que tu parles, OK? Juste pour que les gens se replacent, ça, c'est des Irita Mitsuku. Ça, l'intro qu'on entend... Ça vient d'une chanson qui s'appelle Nuit d'ivresse du groupe Rita Mitsuko et ça vient de l'album No Comprendo. No Comprendo. No Comprendo. No Comprendo. Désolé. No Comprendo, qui est considéré comme leur album chef-d'œuvre sorti en 1986. Moi, je suis pas d'accord, en fait, personnellement, c'est mes goûts personnels, mais la chanson qu'on va écouter, c'est-à-dire La sorcière et l'inquisiteur, c'est sorti de Cool Frenzy et à mon avis, c'est leur meilleur album. Ça, en fait, ça sort, ça mélange des sons acoustiques avec des sons trip-hop, électro, avec des sons plus pop. Bref, c'est un très bon mélange. Faut aimer ça parce que c'est assez particulier. On ressort les folies vocales de Catherine Ringer, qui est une chanteuse, à mon avis, que je comprends jamais pourquoi. Quand on dit quelles sont les meilleures chanteuses du 20e siècle, Catherine Ringer est jamais là-dedans. Je comprends pas pourquoi. Disons que ça veut dire que ça un adjectif ou non un verbe, mettons, tu pourrais dire que ça te dérangeait. Oui, ça me dérange pas mal. Dérangeait. Comme Cricket Rockwell dirait, ça me dérange. Les enfants. Ouais, exactement. Donc, on va écouter La sorcière et l'inquisiteur qui raconte l'histoire trouble de l'inquisiteur qui tombe en amour d'une personne qu'il doit brûler parce qu'elle est considérée comme une sorcière parce qu'elle ensorcelle par sa voix enchanteresse la forêt. Comme une couverture à peine à voir, maintenant sale. Ah, tu m'assassines, sauf ton âme. Ah, tu commets un crime, pauvre femme. Par ma voix, chante la beauté. Tu es endiablé par ta bouche. C'est le diable qui accouche. Tu voudrais bien que je te touche. D'ailleurs, tu fais tout pour me plaire. C'était La sorcière et l'inquisiteur des Rita Mitsuko, tiré de l'album Cool Frenzy, sorti en 2000. Hey, je pourrais dire que c'était pas mauvais ou encore que c'était pas irritant. Irritant. C'était pas irritant du irritant. Tout. Mitsuko. Irritant. Ah, l'irritant Mitsuko. Hey! Oh! Oh! Instant classique. Ben, mais hein, on va mettre ça dans les meilleurs moments. Comme on dit, c'est ce qu'on fait. C'est ça l'avantage quand c'est toi-même qui fais le montage des meilleurs moments de tes propres émissions. Ben, j'ai retiré mes mauvaises blagues, tu sais. Quel choix éditorial très... biaisé. Mal biaisé. Mais c'est pas grave, on t'aime pareil, puis on aime ton émission qui passe, en fait, Assemblage Requis, qui passe à tous les matins du lundi au jeudi de 7h à 9h, et aussi notons le palmarès C'est fou, diffusé de 15h jusqu'à 18h à tous les jeudis, en compagnie d'Alexandra Carignan. En fait, il a fait ses devoirs. On finit par pas l'écouter tellement que c'est des plugs. C'est des on plugs. Peut me sortir du poste de vendeur, mais on peut pas sortir le vendeur en moi. En fait, c'est plus toi que t'es sorti toi-même du poste de vendeur, mais oui. Bon, ça, c'est une autre affaire. Mais donc... je vous aime pareil, les gars. Hey, on s'aime tous dans ce oui. Studio. David, on te retrouve mardi prochain à 8h30. Oui. Pour une autre chronique à langue dans ton oreille. Oui, je sais pas de quoi je vais parler. Je vais peut-être parler de te vacciner, mais c'est pas francophone, donc je peux pas en parler. Non, c'est ça. Fait parce que la pochette est. Il y a peut-être une chanson francophone. Ça, c'est pas. Wall for Lord. Ou peut-être pas. David est en train de parler de nos six-packs de CD que exactement. Vous pouvez gagner toute la semaine. Ah, Geneviève Paradis a gagné. Félicitations. Oui, félicitations, Geneviève Paradis. Bravo. Oui. Bonne main. Il applaudit comme un manchot, mais quand même. comment t'applaudis sur ton avant-bras, mettons? Ça sonne pas du tout comme non, du non, applaudissement. Non, non, bon. C'est un talent que t'as pas, faut croire. C'est... Oui! Là, un pas de main à radio, toi. On dirait un chat. Hey, merci beaucoup, David. Un autre meilleur moment, David. Merci. C'est un meilleur moment. T'en crées un après l'autre, ça, c'est comme un... Une machine à meilleur moment. Source inépuisable. Faut qu'on se contrôle, sinon on les mettrait toutes. Pauvre RTC. Pauvre eux autres. Nous, on va terminer ta chronique là, OK? Ça te dérange pas trop? On va dire bye, bye, bye pour vrai. Bye, bye. Bye. Ben, au revoir tout le monde. Fait. Et on va terminer l'émission aussi comme ça. On se retrouve demain entre 7h et 9h. Et demain à l'émission, qu'est-ce qu'on a, François? On a Anne-Julie Durocher. Oui, exactement. On a Jasmine Raymond-Réville qui nous parle de la GEUQTR. Et finalement, Maxime Bilodeau et sa chronique sur la culture sportive. Et j'ai, si je me trompe pas, le sujet de demain de Maxime Bilodeau. Oh, oui! Alors, on va se poser des questions inusitées sur l'activité physique, donc le genre de questions que vous êtes sûrement déjà posées sans toutefois obtenir de réelles réponses. On va se demander quel est le meilleur exercice. On va examiner le rire sous l'angle physiologique et finalement, on va vérifier si l'humain est vraiment fait pour courir dans la collecte de Maxime Bilodeau. C'est demain à 8h30. Merci! On y va plus en détail parce que c'est le seul qui m'envoie un résumé détaillé de sa chronique. T'sais. Merci. Pas David qui fait ça. David, c'est un mot. Deux mots? Trois mots? Oui, parce que j'aime bien susciter l'intrigue. Oh, l'intrigue. Oui, Halloween, intrigue. Halloween. Peur. Halloween. Dégoût. David. Oh, oh, c'est pas fin. François. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Là, on s'emporte des insultes. Meurtre et mystère. Hein? Ah, ouais. Oh. Et, mais je suis pas bon, j'ai pas... J'ai pas deviné, non. T'as perdu. Ben, hein? J'ai pas perdu, en fait, parce que... T'as juste pas gagné, c'est ça? Ouais. Ouais. Non, c'est ça. C'est ça. Ah, que... Là, David est en train de mimer un couteau sur... Ah, pas sûr que c'est ça qui mime. Pas ça, ça avait l'air de d'autres choses. Imaginez-vous la maison. Bon, en tout cas, François-Olivier a le sourire d'en face. OK. Moi, bon. je vais vous dire de rester à l'écoute pour le dîner de con à 11h. Ensuite, la rediffusion écourtée de Rock Classique à 13h. Melon Miel et Chou de Bruxelles, oui, à 16h. Melon Miel et Chou de Bruxelles. C'est comment que ça chante? Encelerons. Ta journée. Et on termine avec réanimation. Là, c'est beaucoup trop blanc derrière nous. Je suis inconfortable. Ben, on s'en va, là. On écoute White Horse, The Devil's Got a Gun. À demain, tout le monde. David se met à sauter. Encore un mouvement bizarre. Pourquoi tu sautes? C'est un mouvement de... Ah, il n'y a personne qui sait. Ça a l'air sexuel. Parce que je cache le blanc comme Lisa Leblanc. Ferme son micro. Cache le blanc comme Lisa Leblanc. C'est inépuisable, source de... Bye. Au revoir. J'en ai assez de ça. Lui, madame. There's trouble in the tenements below. There's fire where the flowers used to grow. I'm never going back. I'm running from the sun. Bullets at my heels. The devil's got a gun. I'm never going home. I'll be the only one with daylight on my tail. Girl has ceased to make her father proud. Lovers wrapped up in cellophane. The bitter fruit has fallen from its grave. I'm never going back. I'm running from the sun. Bullets at my heels. The devil's got a gun. Bullets at my heels, the devil.